Quand on veut se payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est la solution. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs, menu à la carte qui comble tous les budgets. Le restaurant Midas au 1084 route 109 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679-0900. Toute notre équipe souhaite la meilleure des chances aux organisateurs et aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Question. La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831 poste 27. Le tout nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir les réputés produits Mastercraft. Ingénieux, solides, efficaces, toujours offerts à d'excellents prix. Allez voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac, distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini et souhaite la meilleure des chances à toutes les équipes. On va parler de soccer, une présentation du magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau avec Justine Girard. Salut Justine! Salut! Justine, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé avec nos clubs de Dolbeau-Mistassini? Cette semaine, il y a eu plusieurs matchs quand même. Il y a eu un match de U8-1. Dans les deux équipes de U8-1 jouaient à l'extérieur. Il y a eu une victoire de 5-1 contre Chambord pour l'équipe de U8-1. Et U8-2, ils ont gagné eux autres 6-2 contre Saint-Prime à Saint-Prime. OK. Pour ce qui est du U8-2, il y a eu une victoire de 7-0 contre l'équipe de filles de Saint-Fé pour le U8-2. Puis une victoire de 7-4 contre Saint-Félicien hier soir. OK. Pour ce qui est, dans le fond, du 12, il y a eu une victoire de 7-0 contre Saint-Félicien la semaine passée. Mercredi passé, ils ont joué contre Saint-Prime à Saint-Prime, puis ils ont égalisé 7-7. Le 8-5 féminin, ils ont perdu un match à Bétabetchouan 2-1. Puis, ils ont eu une victoire de 6-1 contre Saint-Fé à Jean Delvaux lundi. Puis, hier soir, le U-5 masculin jouait à Alva. Puis, ils ont perdu 6-0 contre Alva Femme. OK, OK. Donc, ça se poursuit ce soir, j'imagine, dans les différentes ligues? Oui, dans le fond, ce soir, il y a un match de U12 ce soir à 10h30 au Parc Lyon. Okay. Puis il y a aussi un match de U16 masculin aussi au Parc Lyon à 8h15, je pense. OK, OK. Puis, donc, jeudi, dans le fond, demain, il y a un match de U10 à Sacré-Cœur. Puis le restant de la semaine prochaine, là, il y a plusieurs matchs aussi, comme un match de U14 à Jean Delvaux à 19h, et le mercredi 12 juillet, il y a un match de U16 au Parc Lyon et un match de U8-1 au Paris Saint-Quentin. OK. Donc, on va surveiller ça, évidemment. Il y a la belle fête du soccer également, quelque chose qui est vraiment intéressant, qui va avoir lieu aussi. Oui, c'est ça. Oui, dans le fond, ça, c'est demain. On attend les jeunes et les parents pour 5h au Parc Lyon. Puis, s'il ne fait pas beau, ça va être dans la salle des Carvaillants, qui est juste à côté de tennis. Ouais. Puis, on attend les jeunes avec des hot dogs, puis des prix de participation, puis quelques surprises là, pour les enfants, pour la fête du soccer, pour les champions. Puis ça, c'est toujours une belle fête. Hein, si, ça, c'est... Faut le mentionner. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est toujours quelque chose qui... C'est vraiment une fête qui est convoitée par les enfants. Là. Les enfants aiment vraiment ça, puis ils aiment ça venir, ils aiment ça, c'est la dernière fois qu'on voit le cours de l'été. Puis c'est tout le temps une belle organisation qui est là. Tout le monde donne le temps pour les enfants. Fait que c'est super beau à voir, c'est super beau. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Oui. Fait que, ben, merci beaucoup. On s'en reparle la semaine prochaine. Donc, c'était notre chroniqueuse, Justine Girard, de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini, donc, pour une présentation du magasin Canadian Tire, secteur de Dolbeau.